إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن دين الإسلام دين عظيم مبناه على تكميل دين العباد بنبذ الوثنية وأنواع التعلقات بالمخلوقين وتكميل عقولهم بنبذ الخرافات والخزعبلات وحث الناس على معالي الأمور ونافعها مما يكون فيه ترقي العقول وزكاء النفوس وصلاح الأحوال كلها دينيه ودنيويها أيها المؤمنون إن من الخرافة التي تتنافى مع الدين ومع العقل السليم تلك التعلقات الباطلة بما يسمى بالحروز والتمائم التي لا يزال كثير من الناس يتعلق بها مع محاربة الإسلام لها وبيانه لشرها وعظيم مفاسدها إنها خرافة جاء الإسلام بنبذها ومحاربتها وبيان فساد عواقبها ومآلاتها وأنها شر لا خير فيها وضرر لا نفع فيها ولقد تكاثرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبذ هذه الخرافة خرافة التعلق بحروز أو تمائم بأي صفة كانت وعلى أي شكل كانت ففي المسند للإمام أحمد عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال أبصر النبي صلى الله عليه وسلم على عضد رجل حلقة من صفر فقال ويحك ما هذه قال من الواهنة قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا فتأمل هذا الإنكار على من يتعلق التميمة أو يتعلق خيطا أو يعلق حرزا أو يعلق ودعة أو غير ذلك وبين عليه الصلاة والسلام أن من يعلق هذه الأشياء جمع لنفسه بين خسارتين خسارة الدنيا والآخرة وأما خسارة الدنيا ففي قوله أما إنها لا تزيدك إلا وهنا أي لا تنفعها بل تضرك وأما خسارة الآخرة ففي قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا وجاء في المسند من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رهطا أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبيع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وتركت واحدا يعني تركت هذا قال إن عليه تميمة قال إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال من علق تميمة فقد أشرك. وروى الإمام أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن تعليق التميمة شرك بالله، ولم يمد يده لمبايعة معلق التميمة، ودعا عليه الصلاة والسلام على كل معلق للتميمة بأن لا يتم الله أمره، وأن لا يبقي له ودعة أو أن لا يبقي له دعة ولا راحة ولا سكونا. وجاء في جامع الترمذي من حديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكل إليه، وما أعظمها من خسارة، خسارة دنيوية وأخروية، عندما يوكل الإنسان إلى خرزة أو خيط أو حبل أو نحو ذلك مما لا ينفعه شيئا بل يضره ضررا عظيما، كما تقدم في قول نبينا عليه الصلاة والسلام أما إنها لا تزيدك إلا وهنا. وهذه عقوبة من تعلق بغير الله، عقوبة من الله لمعلق هذه الأشياء بنقيض قصده، علقها ليتم أمره وليحصل دعة وراحة فلم تزده إلا وهنا، فلم تسلم له صحة ولم يسلم له توحيد وإيمان، فيكون بهذا الصنيع لم يحافظ على رأس ماله وهو التوحيد، ولم يحصل ربحا ولا فائدة بتعليقه هذه الأشياء، بل نال ضررا بحتا ووهنا وضعفا. عباد الله، إذا كانت الخرافة وتعليق هذه الأشياء في ماضي الأزمان وقديمها تلقى رواجا بين الناس بطرق ساذجة وحكايات سخيفة وقصص واهية، فإن الخرافة تلبس في كل زمان لباسه، ولهذا راجت الخرافة بتعليق تلك الحروز والتمائم في مثل هذا الزمان عندما ألبست لباس هذا الزمان، فهو زمان حصل فيه تقدم بأنواع المعارف والعلوم الدنيوية من طب وغير ذلك، فألبست لدى بعض الناس تلك الخرافة لباس هذا الزمان، ولهذا تجد من يروج هذه الخرافة أو بعض أنواعها، من يقول ثبت في بعض الدراسات الطبية، أو قرر بعض الأطباء المختصين، أو يقول جاء في بعض الأبحاث والدراسات، أو نحو ذلك من العبارات التي تروج في الناس الخرافة وتدرجها بينهم، والعاقل الحصيف لا يلتفت أبدا إلى شيء من تلك الخرافات والضلالات بأي لباس ألبست وبأي صفة عرضت. فالخرافة تبقى خرافة تتنافى مع الإسلام وتتنافى مع العقول السليمة. عباد الله، لقد اتخذت هذه الخرافة، خرافة تعليق الحروز والتمائم في زماننا هذا، صورا متنوعة وأشكالا متعددة، فأصبح يروج لأنواع الأساوير يزعم أن فيها شفاء وأن فيها عافية ودفعا ورفعا، ويروج لأنواع من الأحجار توصف بأنها أحجار كريمة وأنها تنفع في كذا وتمنع من كذا، ويروج وبشكل واسع لأشكال متنوعة، ويقال ثبت بالتجارب أنها نافعة في كذا ومانعة من كذا، ويروج لعين لونها أزرق توضع في يد، يعني بعض الناس عندهم هذا الشيء يعلقونه اليد مع العين الزرقاء في وسطها، ويعلقونها في خاتم أو في سلسال أو في تعليق في سيارة، ويزعم أنها واقية وأنها نافعة دافعة، إلى غير ذلك من الخرافات والخزعبلات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهي مثل الصليب التي تلبس عند النصارى يعتقدون فيها أنها تحفظهم وتمنعهم من الشر وتنفعهم. عباد الله، إن المسلم الذي من الله عليه بالإسلام وهداه إلى هذا الدين العظيم، دين الكمال والرفعة والسمو والعلو، لا يقع في شيء من تلك الخرافات، بما أمده الله سبحانه وتعالى من تعاليم بينات وهدايات واضحات أفادها من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في حديث عبد الله بن عكيم المتقدم، فيه قصة أن نفراً أتوه في مرضه وقد اشتد به المرض، فقالوا له: ألا تعلق شيئاً أي ينفعك من هذا الذي تعينه من شدة ومرض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئاً وكل إليه، فعصمه الله ونجاه بما من الله عليه به من دراية ومعرفة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أهل الخرافة ينشطون في نشرها وترويجها عبر وسائل كثيرة كالقنوات الفضائية والمواقع الإنترنت وغيرها، فعلى أهل الحق أن يسعوا في نشر الحق وبيانه وإبرازه وإيضاحه، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. عباد الله، عندما يتحدث عن رواج الخرافة فإن رواجها إنما يكون في أناس ضعف حظهم ونصيبهم من العلم الشرعي بآياته البينات وحججه الواضحات. وهذا عباد الله يؤكد أيما تأكيد على حاجة الناس الشديدة وضرورتهم الماسة إلى تعلم العقيدة ودراسة التوحيد والوقوف على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي ترسخ العقيدة وتمكن لها في القلوب وتطرد الخرافة وتنبذها. فما أحوج الناس، بل ما أشد ضرورتهم إلى ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteur d'Allah, préservez-vous d'Allah, et sachez que la religion de l'islam, c'est la religion que Allah Azza wa Jalla a choisie pour les hommes, pour ses serviteurs. Et cette religion, depuis son début, et pas seulement depuis la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais depuis le premier des hommes et depuis le premier des messagers, Adam et Nuh et tous les messagers qui sont venus après, ils sont tous venus pour déclarer la guerre à l'idolâtrie. La religion de l'islam est venue pour combattre l'idolâtrie, le shirk, et pour combattre toutes les formes de superstition et de contradiction avec l'unicité d'Allah et la foi en Allah Azza wa Jal, le Dieu unique. Et est venu combattre tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal par les créatures. Peu importe qu'est-ce que la chose en question peut être, peu importe que ce soit une statue, peu importe que ce soit une idole, peu importe que ce soit le soleil ou la lune, peu importe que ce soit un prophète ou un ange, peu importe que ce soit une tombe ou un homme pieux ou une femme pieuse, peu importe que ce soit un djinn, peu importe que ce soit un esprit, peu importe la chose, la forme ou la manifestation que cette idole-là peut prendre, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal est batil, est faux. Et le seul qui mérite l'adoration tout entière, c'est Allah Azza wa Jal. Rien ni personne ne peut te nuire ou te profiter excepté Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني الله برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Allah Azza wa Jal, il dit, regardez ce que vous adorez en dehors d'Allah, parmi les créatures. Si Allah Azza wa Jal me veut un bien, ou bien s'il me veut un mal, est-ce que ces choses que vous adorez en dehors d'Allah, elles peuvent me ramener, m'empêcher d'avoir la grâce d'Allah? Si Allah il la veut pour moi, est-ce qu'elles peuvent me protéger d'un mal, si Allah a écrit un mal pour moi? C'est en Allah qu'il faut mettre sa confiance. Serviteur d'Allah, sachez qu'il y a parmi les êtres humains des gens qui mettent leur confiance en des créatures, qui mettent leur confiance en des objets, qui mettent leur confiance en des choses qui n'ont aucun pouvoir, aucune capacité de faire du bien ou de protéger du mal. Et ils s'accrochent à ces choses-là, et ils accrochent leur cœur à ces objets-là et à ces choses-là. Que ce soit des idoles, que ce soit des porte-bonheur, que ce soit des amulettes, que ce soit des talismans, que ce soit des croix, ou n'importe quel autre objet, des pierres, que les gens portent sur eux-mêmes. Et ils s'imaginent que ces objets-là peuvent les protéger de la maladie, peuvent les protéger du mal, peuvent les protéger d'un mauvais sort, peuvent les protéger des mauvais œils, peuvent les protéger contre le sihr et la sorcellerie. Et ça, c'est des superstitions, c'est des supercheries. Et beaucoup de charlatans parmi les gens qui prétendent être des marabouts, ou bien qui prétendent être des chouyours, ou même des ulama, ils écrivent ce genre de talisman pour les gens. Et ils mettent ça dans des petites pochettes, en cuir, ou en d'autres matières. Et ils disent aux gens, accroche ça sur toi. Ils accrochent ça sur leurs bras, sur leurs hanches, dans leurs cous. Il y en a qui portent des bracelets. Dedans, il y a des talismans à l'intérieur. Il y en a d'autres qui portent des bagues. Il y a des talismans à l'intérieur. Et tout ça, tout ça, ça fait partie des superstitions. Ça fait partie du shirk. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a averti sa ummah contre ce genre de choses. Et il y a des exemples qui sont mentionnés dans la sunna à ce sujet. Il y avait un homme qui est venu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a remarqué qu'il avait un bracelet en cuivre dans son bras. Et si vous allez dans certaines pharmacies, vous allez voir des bracelets qui sont vendus soit en cuivre ou en bronze ou en or ou en d'autres substances. Ils disent, ça c'est la protection contre telle maladie. Ça guérit contre telle maladie, contre le rhumatisme ou contre telle ou telle chose. Ils le présentent sous une image plus moderne, soi-disant médicale. Et les gens, ils croient en ces choses-là. Ça rentre là-dedans aussi. Et donc, tu vas aller voir des musulmans avec des... Ils ont des gris-gris partout. Des porte-bonheur, des amulettes. Hein? Il y en a même dans certains pays, tu vois, des sportifs. Quand ils vont avoir un match, ils ont peur qu'ils vont perdre. Ils vont voir leur marabout pour leur demander de leur écrire un gris-gris ou des choses de ce genre. Et ils accrochent ça, tu les vois, il y en a qui en ont dans leurs pieds, dans leurs bras, dans leurs jambes, dans leurs coups, partout. Il y en a même qui accrochent ça sur leur voiture. Il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des bijoux dans leur cou en forme de main. Au milieu de la main, il y a un œil bleu. Ils disent ça protège contre le mauvais œil. Ça c'est du shirk. Si quelqu'un accroche ça, et il s'imagine que cette chose-là est capable de le protéger, ça c'est du shirk billah, c'est du kofr. Parce que tu n'as pas le droit de mettre ta confiance en des objets comme ça, elle n'a aucun pouvoir. Elle est créée en quoi? Avec de la matière, de l'or ou de la pierre ou du plastique, du bois. C'est la même chose que ce que les idoles font, les gens qui adorent les idoles. C'est la même chose. Ils fabriquent une idole avec du bois, avec de la roche. Et après, ils se prosternent devant. Et ils mettent leur confiance dans cet objet. Si tu portes des porte-bonheur comme ça et des gris-gris, c'est la même chose. Et le pire encore dans ces choses-là, c'est que ces amulettes ou ces gris-gris ou ces hurouz et tamaim qu'ils mettent sur eux, lorsqu'on les ouvre à l'intérieur et qu'on regarde qu'est-ce qui est écrit, il y a des paroles de kofre et de shirk, des paroles insensées des fois qui sont écrites, même c'est même pas un langage. Hein? Des fois c'est des chiffres même. Ou des fois c'est écrit avec du sang et des impuretés. Parce que ces gens-là font du sihr. Ils font parfois des carrés. Hein? Des carrés avec neuf espaces et ils écrivent des chiffres à l'intérieur. Ils disent ça protège. Il y en a même qui mettent ça dans leur magasin. J'en ai vu dans des restaurants musulmans. Tu rentres, tu regardes en haut, tu vois un carré avec des chiffres. Tu dis, mais c'est quoi ça? Ils disent, ça c'est, mes parents m'ont donné ça pour protéger mon magasin contre le sihr, contre la jalousie, contre le mauvais œil. Depuis quand les chiffres vont te protéger? Est-ce que ça c'est écrit dans le Coran? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné aux musulmans de faire ça? Donc ça vient pas de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu l'homme avec le bracelet en cuivre, il lui a dit, pourquoi tu portes ça? Il a dit, c'est pour me protéger contre la maladie. Il a dit, si tu la gardes, tu vas seulement augmenter en maladie. Et si tu meurs avec, eh bien, tu ne vas jamais avoir le succès. C'est-à-dire, dans l'au-delà, tu vas aller dans l'enfer. Si tu meurs avec ça sur toi. Parce que c'est du shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque accroche une amulette a commis le shirk avec Allah. Il a donné à Allah un partenaire dans l'adoration et dans la croyance. C'est très grave. Malheureusement, beaucoup de musulmans font ça. Et ils réalisent même pas qu'ils sont en train de contredire le premier des fondements de l'islam qui est « La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah ». Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. C'est ça la signification. Et lorsque tu portes ces gens de porte-bonheur et de gris-gris, tu adores autre que Allah. Parce que tu mets ta confiance en cette chose. Et tu penses qu'elle peut te protéger, empêcher un mal ou t'amener un bien. Et il n'y a personne qui peut faire ça excepté Allah. Donc si tu mets ta confiance en une créature au lieu de la mettre en le créateur, tu deviens un mouchrik. Ça, c'est très grave. Donc il faut vraiment bien apprendre ta religion comme il faut. Apprends le tawhid, apprends la aqidah de l'islam avec l'épreuve du Coran et de la sunna. C'est la seule façon de te préserver dans ta croyance. L'autre jour, j'étais devant la mosquée. Il y a un musulman qui est venu me voir. Il m'a dit, est-ce que tu peux me faire, imam, est-ce que tu peux m'écrire un amulette? J'ai dit, ça mon frère, ça fait pas partie de l'islam. Il dit, oui, dans mon pays, les imams, ils le font, ça marche. J'ai dit, ah, ça c'est du shirk. Ça c'est interdit dans l'islam. Mais il y a des gens dans certains pays musulmans, ils ont appris le shirk. Et c'est les imams qui leur enseignent ça, ils pensent que c'est l'islam. Parce que ces gens-là n'ont rien connu de la réalité du tawhid et de la foi. Et ils pensent que c'est ça l'islam. Faites attention mes frères. Dans certains pays, les imams sont des charlatans. Ils n'enseignent aux gens que la supercherie et les superstitions. Et les choses qui contredisent le tawhid et l'islam. Ne soyez pas naïfs. Retournez aux enseignements de l'islam authentiques, dans les sources, dans les textes. Quand un imam vous dit quelque chose, demandez-lui les preuves. C'est pas juste qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il fait. Des exemples de superstitions comme ça. Et comparez qu'est-ce qu'ils font avec qu'est-ce que les musulmans dans le monde entier font. Et dans les pays de l'islam. Et regardez dans le passé comment les sahaba ils faisaient. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Vous allez voir que c'est pas la même chose. Donc c'est pas juste de se dire musulman. Et c'est pas juste de prétendre qu'on pratique l'islam. Il faut avoir les preuves de qu'est-ce qu'on pratique. Il faut être certain que ce qu'on suit, c'est la vérité. C'est pas juste des traditions, des coutumes qu'on a héritées. Mon grand-père, il faisait ça. Ma grand-mère, elle faisait ça. Mon arrière-grand-père, il faisait ça. Ça, c'est pas une preuve. C'est pas ça, l'islam. L'islam, c'est qala Allah, qala Rasulallah, qala Sahaba. C'est ça, l'islam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم